Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens, grandeur et décadence. Alors, nous avions vu donc dans le précédent podcast la personnalité lumineuse de la reine Berthilde, qui a été véritablement un exemple édifiant pour les Carolingiens qui se sont vraiment beaucoup, qui ont cherché à l'imiter, qui ont cherché à lui rendre hommage. Et voilà. Mais c'est vrai qu'à côté de cette femme assez considérable, eh bien, son mari Clovis II semble assez terne et sans relief. On sait qu'il va mourir à 22 ans. Il n'aura donc pas vraiment régné longtemps, mais en tout cas, il aura quand même été roi. Il faut quand même lui reconnaître quelques mé mérites à ce Clovis II. Le premier, c'est que c'est le premier mérovingien monogame. On ne lui connaît pas de concubine. Étrangement, l'histoire prétend que c'est Clotaire II qui aurait été le premier mérovingien monogame. Mais on sait que la monogamie de Clotaire II ressemble plutôt à un tuilage. Il se marie avec une femme officielle, et puis, sachant que cette femme officielle pourrait mourir, hop, il se rapproche d'une petite concubine, qui ensuite devient sa femme à la mort de la femme précédente. On a vu ça donc entre Silchide et Bertrude. Et ça c'était une monogamie quand même un peu, disons, un peu superficielle. Non, Clovis II, lui, il n'aura qu'une seule femme et ne cherchera pas forcément à en avoir une deuxième. En plus, c'est une personnalité, disons, très pieuse. Il est tellement pieux d'ailleurs qu'il se met même à dos des moines, ce qui est un peu illogique, mais c'est vrai que au moment où le royaume est frappé d'une terrible famine en 653, il va décider d'arracher la toiture en argent qui était un cadeau que Dagobert avait fait à la basilique de Saint-Denis pour la faire fondre, faire des pièces et acheter de la nourriture pour les personnes qui meurent de faim à cause de la famine. Eh bien, les moines de Saint-Denis lui en voudront toujours et en profiteront pour lui faire une mauvaise réputation. Alors, le chroniqueur du Frédégaire, donc plutôt pro-carolingien, résume son règne en une formule lapidaire, pour montrer finalement qu'il est passé presque inaperçu, mais une formule lapidaire qui ne dit pas du mal. Son royaume a vécu en paix. Voilà. Et en effet, son royaume a vécu en paix, et d'autant plus en paix que son règne correspond à la floraison de grandes figures d'Église, de grands hommes d'Église, comme Éloi, devenu donc évêque de Noyon en 639, et qui ne cesse d'évangéliser la Flandre, une œuvre qui va jusque en pays frison, où il obtient de nombreuses conversions. Et Ouen, évêque donc de Rouen, qui va évangéliser la Normandie, main dans la main avec le fameux père abbé de l'abbaye de Jumièges, qui est un monastère-ville de 900 moines, dont la plupart sont en réalité des esclaves, enfin des personnes capturées, réduites en esclavage et rachetées, et qui, après avoir intégré le séminaire, deviennent moines. Et parmi d'ailleurs ces moines, un jeune Irlandais, qui avait été donc captif des pirates, de pirates saxons, et qui avait été racheté donc par l'abbaye, est envoyé. Alors ce jeune Irlandais s'appelle Sidoine, et il est envoyé dans la vallée de la Varenne, une petite rivière à 30 km au nord de Rouen, pour y prêcher l'évangile. Et là, il construira un petit oratoire sur une colline à côté d'un fortin en bois où se trouve la garnison. Dans ce petit oratoire, il sera enterré. Il reste encore aujourd'hui d'ailleurs le trou dans lequel il a été enterré, entouré d'ifs. Et ses restes seront ensuite, après sa canonisation, seront transférés à Rouen. Et longtemps plus tard, l'évêque de Rouen décidera d'en faire cadeau à la commune de Saint-Saëns. Et aujourd'hui, les restes donc de ce fameux Sidoine, Saint-Saëns en réalité, se trouve dans le maître-autel, au centre de l'église. Et on peut voir ses restes, on peut voir ses os, mais pas le crâne, malheureusement, parce que le crâne a été volé très récemment, d'ailleurs. Alors, si Clovis II n'est pas un roi fainéant, il n'en reste pas moins que la postérité n'a pas été tendre avec lui. Les moines de Saint-Denis, bien sûr, donc, n'en reviennent pas d'avoir été dépossédés de leur toiture en argent, et oubliant le privilège de juridiction qu'il leur a accordé, prétendent dans la Gesta Dagoberti, une chronique en réalité très biaisée, écrite par un moine de Saint-Denis, pour prouver en réalité que la basilique Saint-Denis est bien la basilique, doit être considérée comme la basilique où se font enterrer les rois. Eh bien, que donc en réalité que Clovis II serait mort suite 7 ans après avoir commis une horrible profanation, un horrible sacrilège. Profondément dévoué à Saint-Denis, le roi aurait voulu s'approprier le bras du martyr au point de le casser. Et même la chasse en or qu'il aurait fait faire pour essayer de réparer son impair n'aurait pas retenu le bras de la justice divine qui se serait abattue sur lui 7 ans, 7 ans, chiffre lourd de symboles, 7 ans après les faits. Et là, il aurait eu une crise de folie en rentrant dans la basilique et il serait mort tout de suite. En réalité, on ne pense pas qu'il était fou, on pense plutôt qu'il était épileptique. Et alors, c'est donc l'épilepsie, c'est une terrible maladie qui peut entraîner une forme d'apathie, une forme d'imbécilité apparente, d'arriération mentale, qui rend évidemment assez dur l'exercice d'importantes fonctions comme celle de roi. Et alors sur les conseils de ses médecins, d'ailleurs, il aurait renoncé à aller à cheval, à se déplacer à cheval, et il aurait été plutôt en charrette tirée par des bœufs. Et c'est lui, malheureusement, qui donne cette image d'Épinal du roi fainéant, ce roi donc allongé dans une couche, tiré par des bœufs, entouré de leudes à cheval. Mais en réalité, c'était plutôt un conseil de sagesse de la part de ses médecins, parce que s'il faisait une crise dans sa litière, c'était moins grave que s'il faisait une crise sur son cheval. Mais grâce à quoi il a eu le surnom de roi paresseux. Mais Clovis II n'est pas encore le roi fainéant. Le roi fainéant, ce sera Thierry III. Le premier roi des fainéants, ce sera Thierry III, donc c'est son dernier fils. Alors, il meurt, Clovis II meurt en 657, nous avons vu ça. Et il transfère la régence à Berthilde, à qui il donne son anneau sigillaire. Berthilde est secondée par Archambault. Celui-ci meurt, Archambault meurt en 658, et il est remplacé par son fils Landésius, qui reprend la mairie du palais, mais qui est immédiatement écarté par un autre maire du palais que les grands du royaume de Neustrie se seraient désignés. Un petit peu contre la volonté royale. Pourquoi? Parce qu'on pense que les grands du royaume de Neustrie sentent la montée en puissance de l'Austrasie et veulent donc s'assurer d'avoir un maire du palais qui fera une politique anti-austrasienne. Politique qui aura comme but de permettre finalement à la Neustrie de s'imposer contre l'Austrasie, cette Austrasie indépendante, cette Austrasie finalement de plus en plus menaçante et dirigée par les fameux Pépinides. Et donc le prochain podcast, nous allons voir en réalité comment les Pépinides, donc c'est les membres de la famille de Pépin de Landen, ainsi que les Arnolfini, les membres de la famille d'Arnoul, qui vont ensuite donner les fameux Carolingiens, vont essayer de justement de non pas de s'approprier le pouvoir, mais véritablement de faire basculer les événements en leur faveur. Merci et à bientôt.